cours numéro 26. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. فانتهينا ولله الحمد في درسنا الأخير من دراسة شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مع شرح العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Donc on a fini dans notre dernier درس ensemble ولله الحمد l'étude de l'explication de كشف الشبهات. Et on révisera cette risala prochainement, inshallah ta'ala, après Ramadan. واليوم نقرأ ما أضافه العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد تيسير العزيز الحميد. الشيخ سليمان رحمه الله, le petit-fils de l'auteur de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, il a ajouté dans son charh de Kitab al-Tawhid, al-Musamma bi Taysir al-Aziz al-Hamid, عِنْدَ بَابْ مِنَ الشِّرْكِ أَنْ يَسْتَغِيثَ بِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يَدْعُوَ غَيْرَهِ. قَالَ رَحِمَهُ, نقرأ كلامه avant de commencer les ajouts qu'il a cités. قال رحمه الله في تيسير العزيز الحميد, ولكن لعباد القبور على هذه أو على هذا شبهات ذكر المصنف كثيرا منها في كشف الشبهات, ونحن نذكر هنا ما لم يذكره. دوك عند قوله رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره, تقدم معنا هذا ولله الحمد dans Kitab al-Tawhid, ce chapitre. أي من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره, أي invoquer autre qu'Allah, demander à autre qu'Allah dans une chose qu'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable, c'est du shirk. لكن كما قال عباد القبور, ils ont des شبهات. وتقدم معنا في كشف الشبهات أن leur principal شبه أنهم يقولون أن ce qu'ils font, c'est pas du shirk. بل c'est من باب طلب الشفاعة. الشفاعة c'est حق. فهم يقولون أن ce qu'ils font, c'est que pour demander l'intercession. وإلا فهم يؤمنون بالله عز وجل ويحبون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Et ils prétendent أن cette demande, c'est pas du shirk. Et là, chacun a demandé à un mort, c'est du shirk billah. Même le shafa'a. لماذا؟ لأن الشفاعة ملك لله عز وجل. أولا, on n'a pas le droit de la demander à autre qu'Allah subhanah. Et كذلك, même si certaines créatures feront shafa'a, que Nabina Muhammad alayhi sallallahu sallam, que le malaïka ila akhire, لكن لابد من إذن الله عز وجل. أما هم يدمند à des morts, فخالفوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ووقعوا في الشرك. توسع ولله الحمد, on l'a détaillé ensemble dans les durus de كشف الشبهات. أما هنا dans ce passage de تيسير العزيز الحميد, الشارح رحمه الله شيخ سليمان, il a ajouté trois شبه. Et ces trois شبه, elles sont fondées sur trois hadiths qu'il va citer. ثم il va démontrer que les arguments qu'ils ont pris, et ces hadiths, imma c'est des hadiths va'ifa, wa imma, فكما تقدم معنا, أن il n'y a aucun rapport avec leur shirk, et l'argument qu'ils ont cité, هؤلاء المشركون. فنقرأ ولو باختصار, même si on ne lit pas tout, المهم الكلام, il est très simple. L'essentiel ici, c'est de lire la shubha, de la comprendre à leur ambiguïté, thumma, de répondre avec un kalam très très simple. قال رحمه الله فمن ذلك أنهم احتجوا بحديث رواه الترمذي في جامعه حيث قال première شبهة ils ont cité cet argument pour montrer أن les invocations qu'ils font et cette demande aux morts c'est pas du shirk فقوله حيث قال أي الإمام الترمذي رحمه الله فقال حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا عثمان ابن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة ابن الثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي un homme qui avait un problème aux yeux il était aveugle il est venu voir le prophète عليه الصلاة والسلام فقال أدعو الله أن يعافيني قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك cet homme il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم qu'il fasse dua pour lui أن يعافيه الله سبحانه وتعالى أي pour être guéri de cette maladie aux yeux فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت وإن شئت صبرت أي si tu veux je peux faire dua pour toi Et si tu veux, patiente, fa huwa khayrun lak, c'est mieux pour toi. Faqala ar-rajul radiyallahu anhu, fad'u. Il a choisi ad-du'a. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire ad-du'a. Fa amarahu an yatawadda'a wa yuhsina wudu'a wa yad'a bi hadha ad-du'a. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyik Muhammadin nabiyyir rahmah. إني توجهت به إلى ربي في حاجة هذه لتقضى اللهم شفعه في قال الإمام الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من رواية أبي جعفر وهو غير الخطمي قال في الحاشية قال شيخ الإسلام رحمه الله هكذا وقع في الترمذي والسائر العلماء قالوا هو أبو جعفر Al-Khatmi wa huwa al-Sawab. Faqawluhu anna le rapporteur Abu Ja'far, c'est pas Al-Khatmi, bel c'est lui. Fahada wahmun min al-imam al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala kama fil hashiya. Qala hakada rawahu al-Tirmidhi wa rawahu al-Nasa'i wa ibn Shahin wa al-Bayhaqi kathalik wa fi ba'd al-riwayat ya Muhammad inni atawajjahu إلى آخره وهذه اللفظة هي التي تعلق بها المشركون وليست عند هؤلاء العلماء أي قوله يا محمد هذا سانداء سانابل فهم قالوا المشركون يسون بازي عباد القبور يسون بازي سوى هذه الرواية يسون دي فهذا إلى دموضي وبخفت عليه الصلاة والسلام بقوله يا محمد فهم يديس كذلك نحن ندموند Donc cet argument, ils ont pensé qu'il était en leur faveur. قال شيخ سليمان رحمه الله قالوا فلو كان دعاء غير الله شركا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى هذا الدعاء الذي فيه نداء غير الله. فقوله رحمه الله قالوا أي عباد القبور. لو كان دعاء غير الله شركا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى هذا الدعاء si ça serait du shirk فالنبي صلى الله عليه وسلم il n'aurait jamais enseigné à cet aveugle رضي الله عنه هذا الدعاء قال والجواب من وجوه أولا تقدم معنا في كشف الشبهات وفي في دروس أخرى أن أهل الباطل كسسوا المشركون أو أهل البدع والضلال دائما يستدلون بالمتشابه أي دلس المحكم الواضح أساس من السمات أهل الباطل والزيغ كما قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فأهل الزيغ كثيرا يدلس طول verses clairs dans un sujet précis. مثلاً هنا invoquer les morts. فكم من أدلة في القرآن وفي السنة. Et combien de paroles de sahaba, de salaf, de savants. المسألة est claire. وهم Et c'est ça la voie de Ahlul Zayr, des égarés, Iyadan Billah. Ils essayent de trouver un argument qui peut servir leur position. Ça, c'est pas min tariqati ahli al-haq. وكذلك on lit les réponses de Cheikh Sulaiman. قال الأول أن هذا الحديث من أصله وإن صححه الترمذي فإن في ثبوته نظر. نعم ce hadith, خاصة الرواية يا محمد إني أتوجه إلى آخره, فهذه ضعفها كثير من العلماء. Et ça nous montre, on l'a beaucoup répété dans ces durus, quand un hadith, on le prend pour argument, on doit être sûr أنه il est ثابت, إما il est حسن, إما il est صحيح. أما citer un argument qui est faible, ففي الحقيقة c'est pas une preuve dans notre dîn. لماذا لأن l'argument c'est la parole du prophète عليه الصلاة والسلام. فلا بد que cette parole elle soit authentique avec une chaîne de transmission jusqu'au prophète عليه الصلاة والسلام. إما الحديث soit حسن أو صحيح على كل حال il faut qu'il soit ثابت. أما cette رواية qu'ils ont pensé que c'était une preuve pour eux, ya Muhammad inni atawajjahu ila akhirih, هذه elle est ضعيفة. وإن صححه الترمذي رحمه الله. في هذا ينفائد عظيمة أن أقوال العلماء on les prend ou on s'en sert comme argument si الكلام il est صحيح. أما beaucoup d'imams ils ont cité un autre jugement que celui de l'imam الترمذي. ففي هذا الحال on prend قول الحق. أما واحد يسنتت يقول لا الإمام الترمذي لا صحح cette رواية. Donc le hadith il est صحيح. هذا c'est pas كذلك من طريقة أهل الهدى. لماذا؟ لأن العلماء ils ont démontré أن الحديث فيه علل. Il y a des causes pourquoi il est ضعيف. فيه فلان إلى آخره. ربما si on a le temps on les citera. وإلا فcelui qui veut lire في الحاشية. فعلى كل حال لابد من إنصاف. On fait attention à l'hawa. Quand il y a une divergence entre savants, que ce soit dans un tashih de hadith, ou un tad'if, ou une masala fiqhiyya, ou autre, on fait attention, les passions, de ne pas choisir le qawl qui nous arrange, ou le qawl le plus facile, ou le qawl que la plupart des gens y suivent. C'est pas du ilm, hala. Non, notre but, ça doit être de chercher le haq. Fait l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, c'est un imam kabir fi sunnah. Il a écrit son célèbre livre, Al-Jami', et il est connu sous le nom de Al-Sunan. Et c'est un imam, min a'immat al-hadith. Et son livre, c'est une référence, min al-Ummahat al-Sitt. Ça fait partie des six références fil hadith. Lakin, c'est un imam, yusib wa yukhti. Il pouvait avoir raison, il pouvait se tromper. Mais à la kulli hal, quand il y a une divergence dans un hadith, fil tashih ou fil fahm, on essaye de trouver qawl al-haq. قال فإن في ثبوته نظر لأن الترمذي يتساهل في التصحيح كالحاكم لكن الترمذي أحسن نقدا كما نص على ذلك الأئمة. أساس فائدة أن الإمام الترمذي رحمه الله صحح حديث d'autres savants le ضعف. فتو دوا faire des recherches. Tu dois faire des recherches. Et l'imam al-Hakim, min bab awla, il a un tasahul akthar. L'imam al-Hakim, rahimahullah, ahyanan, il dit al-hadith, il est sahih, il est mawdou', ou il est shadid al-dha'f, ou il dit il est ala shart al-shaykhain, ayy al-Bukhari wa Muslim, et tu vois qu'il est dha'if jiddan al-hadith. Hada, c'est muhim. Et kadhalik, al-nasiha, c'est de revenir aux savants contemporains. L'imam al-Albani rahimahullah il a révisé هذا الكتاب سنن الترمذي et احيانا contredit l'imam al-Tirmidhi et il montre pourquoi. Wa fi hadha tastafid kathira. Wa hakada al-imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah dans son livre al-Sahih al-Musnad il cite des hadith de l'imam al-Tirmidhi et il le contredit et il montre pourquoi. Wa ghayruhum min ahli al-ilm. Ala kulli hal, خاصة si un khilaf, Si des savants ils contredisent l'imam Tirmidhi, ça ne veut pas dire que l'imam Tirmidhi a forcément tort. Là, lakin la bud min al-nazar. Et celui qui ne sait pas, il n'a pas la capacité de pouvoir trancher lui-même, il revient à Ahlul Ilm. فعلى كل حال هذا الحديث فيه نظر أي من حيث أولا. Vous avez remarqué que la première réponse c'est par rapport à l'isnad, la chaîne de transmission. On n'a pas encore traité le sujet du hadith al-matn, le texte. Là, la chaîne de transmission فيها نظر. ثم قال, on passe directement au deuxième point, la page, pas la page suivante, celle d'après. الثاني أنه في غير محل النزاع فأين طلب الأعمى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو له وتوجهه بدعائه مع حضوره من دعاء الأموات والسجود لهم ولقبورهم والتوكل عليهم والالتجاء إليهم في الشدائد والنذر والذبح لهم. صحيح أن هذا الحديث même si on dit qu'il est صحيح comme il a dit l'imam al-Tirmidhi رحمه الله, هذا الرجل الأعمى رضي الله عنه, il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم de faire un dua pour lui. Et il est venu le voir pour qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, comment prendre comme argument ce hadith pour essayer de légitimer, de montrer qu'on a demandé aux morts ce permis? Il y a un fort kabir, il n'y a aucun rapport. Toutes ces shubuhat, al-quburiyoun, quand il cite un délil, imma il est daif, imma s'il est sahih, il n'a aucun rapport avec le sujet. Fatanabbah li hada. Et on répète Anna Nastafid, on tire une leçon très très importante de ce point. Anna, c'est pas tous ceux qui citent un délil. Anna, le délil, il est à sa place. Et Anna, quand tu les crois et tu dis il a cité un verset du Coran ou il a cité un hadith. Là, c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas prendre l'ilm عند هؤلاء الجهال المنحرفون. لماذا؟ لأنهم يبون citer des adillah من الكتاب ومن السنة. لكن عياذا بالله, c'est pas le but, ce n'est pas de rechercher le haqq là. Faqat, c'est de l'abbas. C'est des choubas, des ambiguïtés pour que leur auditeur, il les écoute. Faqat. Wa illa ta'ammal hadha al-hadith et notre mas'ala. Ça n'a rien à voir. قال والذبح لهم وخطابهم بالحوائج من الأمكنة البعيدة يا سيدي يا مولاي افعل فيا كذا. صحيح demande à des morts. ربما هذا السيد هذا الولي وهذا الميت il est mort, ربما il y a des siècles et il lui demande. Ou peut-être que ce wali il est enterré à des milliers de kilomètres et il lui demande. هذا اسم من الشرك بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه سأنفوكي une créature dans une chose dont il est incapable. C'est du shirk بالله عز وجل. أما هذا الرجل الآن il a demandé au prophète عليه الصلاة والسلام. Et le prophète عليه الصلاة والسلام il est devant lui. ويسمع. Et il le voit. C'est pas notre sujet في الحقيقة. فلهذا قال شيخ سليمان فأين طلب الأعمى. Et comment citer cette histoire pour essayer de montrer que demander aux morts c'est permis. ثم قال فحديث الأعمى شيء ودعاء غير الله تعالى والاستغاثة به شيء آخر. Aye, ce hadith c'est une chose et notre sujet est-ce que c'est permis d'invoquer les morts c'est une autre chose. قال فليس في حديث الأعمى شيء غير أنه طلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو له ويشفع له فهو توسل بدعائه وشفاعته ولهذا قال في آخره اللهم فشفعه في فعلم أنه شفاع له. صحيح dans le hadith à la fin الأعمى قال اللهم فشفعه في فإلى demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que son prophète صلى الله عليه وسلم fasse shafa'a pour lui. هذا لا ينكره الموحدون كما تقدم. قال وفي رواية أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فدل الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم شفع له بدعائه وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره هو أن يدعو الله ويسأله قبول شفاعته. نعم النبي صلى الله عليه وسلم il a dit à cet homme fais l'wudu إلى آخره fais ce dua. Donc, هذا الرجل لا demande à Allah subhanahu wa ta'ala. قال فهذا من أعظم الأدلة على أن دعاء غير الله شرك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يسأل الله قبول شفاعته، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يقدر على شفائه إلا بدعاء الله له. وهذا كذلك تقدم أن même les arguments que أهل الباطل ils prennent, ils pensent que c'est en leur faveur, في الحقيقة si tu viens à chercher, si le hadith bien sûr il est sahih ou il a un as, il ne contredit pas notre dîn, tu trouveras أن cet argument c'est une preuve contre eux. الحقيقة هذا الدليل يمنتخ بيان que النبي صلى الله عليه وسلم il a pas la قدرة, il avait pas la قدرة de guérir cet homme. فلهذا il lui a dit demande au mort, demande أقصد à الله عز وجل. نستفيد نحن من هذا on dit à هؤلاء pourquoi vous demandez au mort, demandez à الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. Il lui a dit fais l'ouضو et fais ce dua. Bien sûr si on dit que le hadith il est ثابت. قال رحمه الله فأين هذا من تلك الطوام والكلام إنما هو في السؤال الغائب أو سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. Donc est-ce qu'on peut citer ce hadith et cet aveugle qui a demandé au prophète عليه الصلاة والسلام, et le prophète صلى الله عليه وسلم il lui a dit demande à Allah عز وجل. Cet aveugle il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tu demandes à Allah azza wa jalla, il lui a montré comment faire. Est-ce que tu peux comparer hada à haoula qui invoque les morts iyadun billah et qui espère la guérison et qui demande à ce mort et qui sacrifie et qui voyage la akhira que pour cela, est-ce que c'est comparable? Limadha li'anna l'histoire de l'aveugle, le nabi sallallahu alayhi wa sallam il était vivant. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a démontré comment faire du'a. Et notre sujet, c'est invoquer les morts. Enfin, la haqiqa, c'est différent. Wallah al-musta'an. Kadhalik, il a cité comme troisième point dans la page numéro 103. Qala rahimahullah, الثالث أن قوله يا محمد إني أتوجه لم تثبت في أكثر الرواية. خاصة السراجو لأن فيه نداء يا محمد سنعبل. أكثر الروايات de ce hadith, hadith قصة الأعمى, tu ne trouveras pas ce rajout. Certains l'ont rajouté et هذا في السراجو فيه نظر أي il est ضعيف. قال لم تثبت في أكثر الروايات بتقدير ثبوتها لا يدل على جواز دعاء غير الله. Même si on dit que ce rajout du hadith il est authentique, il n'y a aucune preuve Anna s'est permis d'invoquer les morts. Les mains, les Anna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en face de lui et il est vivant. Et il l'écoute, il l'entend. قال لأن هذا خطاب لحاضر معين يراه ويسمع كلامه. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en face de lui, il le voyait, il l'écoutait. قال ولا إنكار في ذلك. C'est comme si Anta, tu demandes à واحد qui est avec toi, Ya Fulan, donne-moi ça, ou aide-moi à faire cela, ou aide-moi à porter cette chose. Est-ce que c'est du shirk? Ah ben, on va pas dire les anaufiinida. Tu as dit ya, donc c'est une demande. Là, il est présent et il est capable. Donc, le haqiqa, ça a rien à voir. قال فإن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه ما يقدر عليه فإن هذا من دعاء الغائب والميت لو كان أهل البدع والشرك يعلمون. كلام نفيس صحيح. Est-ce que cette histoire, on répète, أن النبي صلى الله عليه وسلم il est présent, il est vivant, il est capable de faire dua pour ce compagnon, cet aveugle, radiyallahu anhu. Est-ce qu'on peut comparer hada à ce que al-mushrikoun, al-quburiyoun, à notre époque, ils font? Ils demandent à des morts, ils sacrifient pour des morts, ils espèrent de ces morts. Yakhafoun minhum, iyadun billah. Toutes ces adorations du cœur, ils les font pour ce mort. Thumma, ils prétendent que c'est permis. Pourquoi? Lien à cet aveugle, il a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam. Là, il lui a demandé de faire dua. Et le Nabi sallam, il était présent. Et hada, ça n'a rien à voir avec notre sujet. On peut rajouter la parole de Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Kama fi al-Radd ala al-Bakri, qala rahimahullah, qawluhu ya Muhammad. Hada al-kalam, vous l'avez passé un ajout. Ya Muhammad, inni tawajjahtu lak, ou bik, خطاب حاضر. هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله. خطاب حاضر أي قولوا يا محمد c'est une demande ou c'est plutôt un appel, لكن le Nabi صلى الله عليه وسلم il était présent, donc on ne peut pas dire que c'est du shirk. أما هم ils disent يا عبد القادر, Il dit, ya Sidi Foulan, ya Tijani, ya Badawi, ya Aïdarous, ya Foulan, et il cite beaucoup de noms, alors que ce mort, il n'est pas présent. Il ne les entend pas. Il n'est pas capable de leur répondre. Ça montre que cet appel, cette invocation, ce dua, c'est du shirk. Ils ont la aqida, ce mort, il peut leur répondre, et c'est ça, shirk billah, azza wa jalla. قال شيخ الإسلام فهذا كله يبين أن معنى التوسل والتوجه به صلى الله عليه وسلم وبالعباس وغيرهما في كلامهم هو التوسل والتوجه بدعائه وبدعاء العباس وهذا مشروع بالاتفاق لا ريب فيه. التوسل, on verra qu'il y a plusieurs catégories, on peut les récapituler ici. التوسل المشروع, tu as plusieurs sous-catégorie. Léanal, at-tawassul, on peut le diviser en deux. Tawassul, mashru', tawassul, mamnou'. At-tawassul, c'est prendre un intermédiaire. Si on peut traduire comme ça pour simplifier. Fat-tawassul al-mashru', tu as le droit, bi asma'illah wa sifatih. Mathalan, avant de faire le dua, tu dis, ya hay, ya qayyum, ya arhamur rahimin, ya Allah. Tat-tawassul bi asma'ihi wa sifatih, azza wa jal, hada, c'est permis, la shakafi. Bel, c'est une cause pour que du'a il soit accepté. Et al-dalil ala hada, il y en a beaucoup fi al-Qur'an al-Karim wa fi sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième tawassul mashru' bi a'malika as-saliha. Avant de demander ta tawassul et tu cites avant ta demande certaines œuvres pieuses que tu as faites et tu espères que cette œuvre que tu as faite, tu étais sincère, il a akhiré, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala en citant cette œuvre. Mathalan, ya Rabb, tel jour ou à tel moment, j'ai fait kaza li wajhi kal karim, wa anta ta'lam ila akhiré, je te demande telle chose. Wa dalil ala hadha al-qism, qissat ashab al-ghar. Annahum, ils ont demandé avec des a'mal saliha quand ils sont rentrés dans cette caverne, dans cette grotte, et l'entrée elle a été bouchée. Tadkurun, ta'rifun hadha al-hadith. Et l'entrée, elle a été bouchée par un gros rocher. Et ils ont demandé. Wahad, il a demandé, mazalan, les annahu, il se comportait bien avec ses parents. Fatawassala bihad al-amal. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala avec ce amal. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a débloqué une partie de la grotte. Wahakada, les deux autres, hatta, ils sont sortis. Donc, hada al-tawassul, il est mashru'. Al-thalith, bidu'a al-salih, al-hay al-hadir. Troisième tawassul qui est permis de demander à un homme pieux qu'il fasse du'a pour toi. La condition, bien sûr, qu'il soit vivant et présent. Al-Dalil, on a ce hadith, hadith al-A'ma, si on dit qu'il est sahih. Et kadalik, fi'al Umar, radiyallahu anhu. Quand, à son époque, ils sont partis voir Al-Abbas, l'oncle du prophète, alayhi salatu wasalam. Fahada, c'est permis. Wa taqaddam ma'ana, anna, Cheikh Ibn Uthaymeen, il a stantambi, muhim, huna, anna, c'était pas min madhhab al-Sahaba wa al-Salaf, radiyallahu anhum, annahum yukthirun min hadha. À chaque fois qu'ils ont une demande, ils vont voir un homme pieux vivant. Là, lakin de temps en temps, là-bas. Donc, hadha al-hadith, c'est min al-tawassul al-mashru' ay demandé à un homme pieux qu'il fasse du'a pour toi. Huna al-a'ma, il a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Amma al-tawassul al-mamnu' fa... Tous ces exemples qu'on a vus, fi kashfi shubuhat. Il demande à des morts pour que ce mort, il demande à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ah là, c'est mimbab al-tawassul. C'est pour demander shafa'a, il y a un intermédiaire. Il ne demande pas directement à Allah Azza wa Jalla. Il demande à ce mort, ah là, c'est min al-shirk. Limadha li'anna le mort, il ne peut pas les entendre. Li'anna le mort, il ne possède pas shafa'a. Li'anna le mort, il ne savent pas s'il a l'autorisation min Allah. Enfin, tout ça, ça montre que c'est du shirk et c'est du kufr. Et khas satan avec tous les preuves, toutes les preuves plutôt qu'on a vues, fi kitab tawhid, fi kashf al-shubuhat. ويعبدون من دون الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله الزلفى سيسع الدليل وتقدم معنا كذلك من التوسل سيبقى الشرك لكن سين بدعة كتوسل البعض بذوات الأنبياء والصالحين مثلا يديز اللهم إني أسألك بفلان يدمن با أمور لا يديز اللهم يدمن الله إني أسألك بفلان on te demande par فلان. La demande, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin hada tawassul bi fulan avec son dat ou son jah. Matalan Allahumma, on te demande bi jahi fulan. La place de fulan, le rang élevé qu'il a indek, on te demande par hada. La demande, il demande à Allah azza wa jal. Lakin, cette façon de faire, c'est une bid'a. Et ce sujet, il est très très important, at-tawassul. Vous avez remarqué que les principales choubouhades de Ha'oula al-Quburiyoun, c'est Fihad al-Bab, al-Shafa'a et al-Tawassul. Et tu as trois livres Fihad, al-Tawassul ou al-Wassila, de l'imam Cheikh al-Islam, le Taymiyyah, rahimahullah. C'est une des références Fihad al-Bab. Al-Tawassul ou al-Wassila, ou qa'idatun fi al-Wassila, kadhalik il l'appelle. Il est ma'rouf. Al-Tawassul de Cheikh al-Islam et Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Plus simple et plus abordable, al-Tawassul al-Mamnou' ou al-Tawassul al-Mashrou' de l'imam Cheikh Nasser al-Din al-Albani, rahimahullah. Il a un livre sur al-Tawassul al-Mamnou' ou al-Mashrou', ah, le permis et celui qui n'est pas permis. Et il a cité ce taqsim, ces catégories qu'on vient de lire ensemble. Et c'est un livre très très important, kadhalik. Troisième livre qui est très simple, kadhalik, al-Tawassul de l'allama Cheikh Abdussalam ibn Barjis, rahimahullah. Et c'est une risala nafi'a très très simple. Ces trois livres, si tu veux approfondir ma yata'allaq bihad al-Tawassul, quand est-ce que c'est permis, quand est-ce que c'est pas permis, à la kulli hal, dans notre dars, on conclut, et on a déjà vu cette masala ensemble, on a demandé au mort, iyadun billah, c'est min al-Tawassul al-Shirki. Et on essaiera, incha'Allah, un jour de lire ensemble la risala de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, ou celle de Cheikh Abdussalam, rahimahullah. À la kulli hal, lire une risala que sur ce sujet, c'est important. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق هذه هي الشبهة الأولى que Cheikh Sulaiman il a rajouté. Ils se sont basés sur hadith al-A'ma, ils ont pensé que c'était une preuve pour montrer, pour prouver que demander aux morts c'était pas du shirk. الثاني, deuxième shubha que Cheikh Sulaiman il a rajouté, واحتجوا أيضا بحديث رواه أبو يعلى وابن السني في عمل اليوم والليلة. فقال ابن السني حدثنا أبو يعلى قال حدثنا الحسن بن عمرو وابن شقيق قال حدثنا معروف أو قال قال حدثنا الحسن بن عمرو وابن شقيق نعم قال حدثنا معروف ابن حسان قال حدثنا أبو معاذ السمرقندي عن سعيد عن قتادة عن أبي بردة عن أبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا انفلتت دابة أحدكم بالأرض فلينادي يا عباد الله احبسوا. هكذا في كتاب ابن السني وفي الجامع الصغير فإن لله عز وجل في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم. هذا الحديث إلى ضعيف بل إلى منكر. فيه معروف ابن حسان وهو ضعيف. على كل حال دونك سو حديث إلى ضعيف. إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض, et si quelqu'un de vous perd sa monture et sa monture elle lui échappe, elle veut se sauver, falyunadi ya ibadallah hibisu, qu'il demande, qu'il appelle ya ibadallah hibisu, ibadallah hibisu, ay stoppez-la, arrêtez-la. قال والجواب ان هذا الحديث مداره على معروف ابن حسان وهو ابو معاذ السمرقندي فقوله في الاصل حدثنا ابو معاذ السمرقندي خطا اظنه من الناسخ. قال ابن عدي منكر الحديث. وقال الذهبي في الميزان قال ابن عدي منكر الحديث قد روى عن عمرو ابن ذر نسخة طويلة كلها غير محفوظة. على كل حال معروف هذا ابن حسان إلى منكر الحديث. Et ça c'est un جرح شديد. منكر الحديث c'est que son حديث il est vraiment ضعيف. Et tu ne peux pas l'utiliser pour renforcer un autre حديث. لا يصلح هذا الحديث على كل حال. وقال السيوطي حديث ضعيف. Ça c'est clair. وأقول بل هو باطل. Ça c'est كلام شيخ سليمان. بل هو باطل. إذ كيف يكون عند السعيد عن قتادة ثم يغيب عن أصحاب سعيد الحفاظ الأثبات مثل يحيى القطان إلى آخره. ثم توسع قليلا إلى ستي أن الحديث نعم إلى شديد الضعف. لماذا؟ لأنه إلى خالف أئمة معروف هذا. ثم قال لا باش فيفونت فهذا من أقوى الأدلة على وضعه وبتقدير ثبوته لا دليل فيه. دونك الحديث إلى منكر ما نقدر موضوع كما قال هنا رحمه الله. Et كذلك, même si ce hadith il serait authentique, في الحقيقة c'est pas un dalil pour eux. لمن تأمل قال لا دليل فيه لأن هذا من دعاء الحاضر فيما يقدر عليه كما قال فإن الله في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم. في الحقيقة c'est pas une demande aux morts. Là, c'est demander à des personnes qui sont présentes de l'aider à récupérer sa monture. فَلِهَذَا فِي الْحَدِيثِ Dans l'autre riwaya, فَإِنَّ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ حَاضِرًا Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va faciliter à des personnes présentes, سَيَحْبِسُهُ عَلَيْكُمْ Et ils vont vous aider à arrêter votre monture, à récupérer votre monture. Est-ce que tu peux comparer هذا à la demande des morts عَيَّدُمْ بِاللَّهِ قَالَ ثَالِثًا On peut lire fil hashi à la parole de Al-Allama Abdullah Abu Butayn rahimahullah ta'ala min a'immati as-sunnah fi Najd rahimahullah bal naqta' annahu inma amarahu an yunadi man yasma'uhu wa lahu qudratun 'ala dhalik kama yunadi al-insan ashabahu alladhina ma'ahu fi safar li yaruddu dabbata sahih Hada, c'est clair, même si le hadith il est sahih, hada, c'est un appel à des gens qui sont capables de t'aider et qui sont présents. Wahed Matalan il est en voyage et sa monture elle veut se sauver et ouais, il appelle ses amis, ceux qui sont avec lui pour l'aider à récupérer sa monture. Fa aina hada min du'a il amwat. Il n'y a aucun rapport avec le sujet. Kadhalik. Troisième et dernière shubha. قوله واحتج أيضا بحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير فقال حدثنا طاهر بن عيسى ابن قيرس المصري قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب عن أبي سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المديني عن أبي أمامة عن سهل بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان ورضي الله عنه في حاجة الله فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته فلقي ابن حنيف فشكى إليه ذلك فقال له عثمان بن حنيف ابن حنيف يسابه ما بالسهل ابن حنيف ورجلا نعم فابن حنيف كان يسابه السهل هنا قال فقال له عثمان ابن حنيف ينظر هذا يأتي المضاءة فتوضأ ثم المسجد فصلي فيه ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك ليقضي لي حاجة الحديث قال والجواب من وجوه الأول أن راويه طاهر بن عيسى ممن لا يعرف بالعدالة بل هو مجهول حديث كذلك لضعيف فيه مجهول ثم قال dans la page suivante ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فهو اذا مجهول الحال لا يجوز الاحتجاج بخبره لا سيما فيما يخالف نصوص الكتاب والسنه قال الشيخ الالباني في الحاشيه اما قول ليف ده الشيخ الالباني نعم يا التيتر هنا التوسل انواعه واحكامه Ça, c'est le livre de Cheikh l'Albani. التوسل انواعه واحكامه هي les différentes catégories de tawassul avec al-hukm est-ce que c'est permis ou pas أما التوسل الممنوع والتوسل المشروع سلتتخ الله أعلم دل رسالة الشيخ عبد السلام رحمه الله قال شيخ الألباني وخلاصة القول أن هذه القصة ضعيفة منكرة إيه نعم دونك سحديث ست قصة لضعيفة اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد ثم قال يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك هذا ضعيف فتأملوا إذن درسي هذا Ah oui, ils ont plutôt délaissé tous les hadiths, tous les versets du Coran Karim. Des choses claires. Et tifaq al-umma, l'unanimité de la umma, des savants de la sunna, walillahi alhamd, ils ont délaissé tout cela pour s'appuyer sur ce genre d'arguments. Imma, des hadiths thabita, sahiha, lakin, ils ne les ont pas compris, ils ne les ont pas mis à leur place. Imma à cause de l'ignorance, imma à cause des passions. Ouais, mais ils se sont basés sur ce genre de hadith. Thumma, Cheikh Sulaiman, il a détaillé, rahimahullah, pourquoi ce hadith il est daïf, et il a démontré كذلك, ala sihatihi, il a cité des choses, celui qui veut les lire, fi baiti. Thumma, قال à la fin, la dernière page, هذا غاية ما احتج به مما هو موجود في بعض الكتب المعروفة وما سوى هذه الأحاديث الثلاثة فهو مما وضعوه بأنفسهم ces trois preuves qu'il a cité Cheikh Sulaiman c'est les hadiths qu'ils ont de plus proche au haq imma c'est des hadiths sahiha lakin ils n'ont pas compris imma al hadith il est daif lakin هنا il va rajouter قال فهو مما وضعوه بأنفسهم. لكن ils ont des autres hadith. عياذا بالله. عباد القبور pour montrer, pour prouver à leurs suiveurs, أن ce qu'ils font, ce n'est pas du shirk, et c'est des hadith موضوعه. C'est du mensonge. Il n'y a aucun isnad. Et c'est eux-mêmes qui ont inventé ces hadiths pour essayer de montrer à leurs suiveurs qu'ils ont des preuves. Parmi ces hadiths, قَالَ إِذَا أَعْيَتْكُمُ الْأُمُورُ فَعَلَيْكُمْ بِأَصْحَابِ الْقُبُورِ. Ce kalam, c'est du shirk wadih. Et si vous êtes fatigué d'« أَعْيَتْكُمُ الْأُمُورُ » مثلا واحد son fils il est malade ou هو il est malade ou il a du mal à faire quelque chose, فعليكم بأصحاب القبور, أي revenez demander aux morts. عيادا بالله, شرك واضح. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الحاجية, هذا الحديث كذب مفترا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإجماع العارفين بحديثه, لم يروي أحد من العلماء بذلك ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة. C'est un mensonge. Aucun imam de la sunna n'a rapporté ce hadith. C'est une invention, عياذا بالله. Et c'est un appel clair au shirk. وقولهم, un autre hadith, لو حسن أحدكم ظنه بحجر لنفع, عياذا بالله. Et si quelqu'un de vous placerait sa confiance, espérerait d'un caillou, ce caillou, cette pierre, lui serait utile. عياذا بالله. أين الإيمان بالله؟ أين التوكل على الله؟ أين الالتجاء إلى الله عز وجل؟ انظر, c'est un appel clair à adorer autre qu'Allah. فلهذا قال ابن القيم رحمه الله, وهو من وضع المشركين عباد الأوثان, انتهى. نعم, dans son livre المنار المنيف في الصحيح والضعيف. فالحمد لله, انتهينا من هذا الملحق. Wallahi alhamd, vous avez remarqué qu'ils ont cité des arguments et ça n'a aucun rapport avec le sujet. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad. Révisez ce livre Kashf al-Shubuhat et kadhalik, vous rajoutez ces trois points à la fin pour que ça soit complet. Et bihada, on a fini notre étude wallahi alhamd du tawhid, et on avait commencé ensemble par al-usul al-thalatha, thumma al-qa'id al-arba', thumma al-usul al-sitta, thumma on avait étudié wallahi alhamd al-wajibat al-mutahattimat, et al-wajibat c'est un récapitulatif de l'usul al-thalatha et de beaucoup de livres parmi ces rasail nawaqid al-islam wa shurut la ilaha illallah wa aqsam tawhid wa aqsam al-kufr wa aqsam al-nifaq. C'est une risala nafi'a très très importante. Rakizou ركزوا في المراجعة sur الواجبات كثيرا. ثم après الواجبات on avait étudié ensemble كتاب التوحيد avec l'explication de Cheikh Saadi رحمه الله, et c'est un livre très très important, c'est la base. ثم ولله الحمد on a fini avec كشف الشبهات. فالمراجعة révisée الواجبات المتحتمات خاصة نواقض الإسلام وشروط لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله. Enfin, c'est des doros très importants. Kadhalik, réviser Kitab al-Tawhid, le matn que vous avez appris ou que la plupart d'entre vous, wallahi alhamd, ont appris par cœur. Kadhalik, les abwab. Et l'essentiel dans Kitab al-Tawhid, c'est de comprendre le bab et le hukm. Enfin, Cheikh al-Islam, il a cité des abwab et il a cité des hadiths et des versets sous ce chapitre. Enfin, celui qui l'a appris par cœur, la révision, elle est très très simple. Tu comprends le chapitre et pourquoi, ou c'est quoi le sujet qui traite la mas'ala, thumma les adillah, pourquoi il les a cités, et alhamdulillah, tu seras ala khayr fi hadha al-bab. Et kashf al-shubuhat, tu l'akhas. On avait résumé la première fois qu'on avait enseigné ce livre à nos frères, on avait résumé les shubuhat, fa antum, si vous voulez réviser, fa résumez-les. مثلاً أنا بغزيم المقدمة الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المشركين, ثم أنا دمتخي أن ستتود فيها فائدتان عظيمتان, الفرح بنعمة الله, الخوف من مخالفة التوحيد, ثم سيشبهات تسديفيزان دو مجمل ومفصل, أي une réponse مجملة أي global, ثم une réponse détaillée des 15 شبهة, ثم tu cites, tu tu résumes avec ton livre, tu cherches la première chouba et tu la résumes. Min qawl al-shir. مثلا الشبهة الأولى قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا خالق إلا الله ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عظيم عند الله فأطلب منهم. Ça c'est la شبهة. ثم tu écris la réponse, الجواب. المشركون مقرون بهذا. أي المشركون ce que tu acceptes أيها المشرك ils l'ont accepté. الثاني إذا كانت إذا كنت مذنبا فلماذا لا تستغفر الله؟ Si tu es مذنب, pourquoi tu demandes pas pardon à Allah سبحانه وتعالى؟ Troisième, كذلك جاه الصالحين لا ينفعك. كذلك la place, le haut rang que ces hommes pieux ont, c'est pour eux, c'est pas pour toi. Enfin, il peut pas être profitable. Eh bien, c'est leurs œuvres. ثم la deuxième شبهة. هذه الآيات نزلت في من يعبد الأصنام. Ces versets, ils ont été révélés sur ceux qui adorent l'asnam. Et eux, ils disent, نحن on adore pas l'asnam, on adore des gens pieux. ثم les réponses, walillahi alhamd, hakada, si tu arrives à résumer, Rabbama, dans le relève de ton livre, ces 15 shubha, fa alhamdulillah. Et, fil haqiqa, quand on a dit qu'on a fini l'étude du tawhid, on a fini les dorous qu'on avait prévu de faire ensemble, wa illa fa tawhid, al mu'min, khasatan talibul ilm, ça doit être dans son programme d'aïman, hatta yalqa Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yamut. Il m'a des révisions, il m'a apprentissage par cœur, il m'a une révision de ce qu'il a appris par cœur, il m'a, il l'enseigne aux autres, à ses proches ou autres. Cette étude, elle doit se continuer, chacun fait des efforts personnels. Et les efforts personnels, c'est de différentes manières. Al-mutala'a, tu lis des livres fi tawhid, khassatan pour vous qui avez étudié ces livres qu'on a ensemble, shuruhat ahli al-ilm. مثلا les explications de l'usul thalath kathira, tu les lis. كذلك les explications de l'qa'id arba' de l'usul sita de l'wajibat de kitab tawhid, tu lis et quand tu lis tu reviens au matn que tu as étudié, tu le prends comme base. مثلا l'usul thalatha, nous on a étudié le sharh de Cheikh Ibn Baz. فأنت tu écoutes مثلا le sharh de Cheikh Ibn Uthaymeen, ou tu lis le livre de Cheikh Ibn Uthaymeen, et si tu as un rajout par rapport au sharh de Cheikh Ibn Baz qu'on a vu, qu'on n'a pas cité, tu le rajoutes. مثلا Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité une faïda dans son sharh fi al-dhabh, sacrifié pour autre qu'Allah. Cheikh Ibn Baz, ouais, il a résumé. Tu trouveras peut-être que Cheikh Ibn Uthaymeen a rajouté une chose. Enfin, cette chose, si c'est une faïda, tu la rajoutes. Tu la rajoutes dans le livre que tu as étudié. Tu mets une note et tu écris qala Cheikh Ibn Uthaymeen dans son sharh telle page, kada wa kada, et tu résumes. C'est ça l'ilm. Wa hakada al-qa'id arba'a, hakada al-usul sita, jusqu'à kitab tawhid. Tu verras que ça te prendra un certain temps. كذلك pour ceux qui ont l'arabe, qui maîtrisent l'arabe parmi nos frères, كذلك ils peuvent étudier Fath al-Majid. Sharh kitab tawhid, il est nafi' jidd. C'est min ahsan al-shuruh, c'est une référence fi hadha al-bab. Lakin ça demande un certain niveau en arabe. Enfin, pour les frères qui ont la capacité, ils étudient ce livre walaw ala tariq al-ashrita, avec des audios. كثير من أهل العلم ils ont expliqué ولله الحمد ce livre. Enfin, tu choisis un savant bien sûr de la sunna, des audios clairs, et tu écoutes les doros et tu as le support bien sûr Fath al-Majid avec toi, et tu suis l'explication du shir et tu prends tes notes. هذا في خير عظيم. Et ça sera simple inshallah si tu as bien révisé. لأن Fath al-Majid c'est exactement, c'est le même matn qu'on a étudié كتاب التوحيد, لكن le sharh هو يتوسع. Tu verras qu'il citera des choses, des fawa'id et la akhiré, enfin, inshallah, tu profiteras. Wa illa vali masa'il, c'est le même. Et le hukm, c'est le même. Hada, bien sûr, c'est pour nos frères qui ont atteint un certain niveau en langue arabe, qui comprennent. Wa illa, ceux qui n'ont pas encore la capacité, raji'u ma taqaddam, inshallah, fi khair, il viendra un jour, dès que vous continuerez vos progrès en langue arabe, vous pourrez profiter de Fath al-Majid. Et après Ramadan, inshallah, on essaiera de faire la même chose avec Kutub al-Aqidah, des rasa'ils simples pour permettre à nos frères de comprendre ces bases comme on les a fait fi Tawhid. Inch'Allah, on les fera fi al-Aqidah. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-tawfiq wa al-sadad wa naktafi bihad al-qadr. Et ces doros, Inch'Allah, on essaiera bien sûr de les propager. On a bientôt fini de propager le wajibat, le mutahattimat, ثم on propagera kitab tawhid, ثم on propagera quelques choubouhats pour les frères qui ne peuvent pas assister avec nous, Inch'Allah.